Impossible pour moi d'oublier, hein. Des gars comme eux. Les gars, je vous oublie pas, hein, même si vous pouvez croire ça. Je percerai jamais, de toute façon, donc y'a aucun risque. Y'a aucun risque, non. C'est Seco. D'où je viens, moi, c'est. C'est quoi, un jour tu vas percer. T'oublieras le goût de la misère, t'oublieras même le passé. Tous ces gens pour qui tu auras compté, ils t'auront déjà tous dégoûté. À ton époque, tout était simple, même qu'avec tes potes, tu te battais pour une paire de seins. Passera le bonjour aux étoiles, et c'est que si tu perces, ne nous oublie pas. Tu es nécessaire pour briller, ne vous inquiétez pas, je fais pas ça pour les pieds. Et si le soir, prends ta loge, tu te mets à pleurer, oublie pas tous les fans qui se mettent à crier. C'est comme sur la scène, et fais-nous en chahier, hey. Comme sur la scène et fait ne nous enchaîner. Parce que moi d'où je viens, ça a pas toujours été facile, des coups de pression. Et la famille qu'on leur a fait à me sentir. Sans lui je ne peux pas. Place une dédicace, pointer à la maman. Que moi d'où je viens, ça a pas toujours été facile, des coups de pression. Et la famille qu'on leur a fait à me sentir. Sans lui je ne peux pas. Place une dédicace, pointer à la maman. Hey. Quand un jour tu vas percer, n'oublie surtout pas les moments au squat, tous ces McDo entre potes, c'était beaucoup mieux que de l'entrecôte. Je sais pas si tu te rappelleras de nous, quand tu seras au sommet, se mettre tous à genoux. Je pense que tu nous oublieras, je pense qu'on aura vu. Mais vous inquiétez pas, les gars, vous parlez de ça comme si c'était demain. Mais les gars, je suis pas encore à l'Olympia. Les délires, moi, je les oublierai pas parce que chez moi. Frère, ça s'oublie pas. Parce que moi d'où je viens, ça a pas toujours été facile, les coups de pression. Et la faillite, le rap m'aide à me sortir. Sans lui je ne peux pas. Je passe une dédicace au pote et à la maman. Parce que moi d'où je viens, ça a pas toujours été facile, les coups de pression. Et la faillite, le rap m'aide à m'en sortir. Sans lui je ne peux pas. Je passe une dédicace au pote et à la maman. Tu remettras les pieds sur terre, nous on sera au squat comme d'hab. Avec une trois verres, on n'oublie jamais le chemin. N'étourne pas. Nettoie le joint, c'est que nous on connaît pas. Moi non plus les gars, je connais que Charlie. Que ça soit en salle ou pas. Les gars, quoi qu'il en soit, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais les meilleurs gars. Quoi qu'il en soit, on est toujours France D. Toujours au squat, accompagné de la vodka, le passé, on l'oublie pas. Moi d'où je viens, ça a pas toujours été facile, les coups de pression. Et je n'ai pas été le rapide à me sortir. Sans lui, je ne peux pas. Passer des dégâts, tout ça, rien à la maman. Parce que moi, mes frères, ça a pas toujours été facile. J'oublie personne. Et la faillite, le rapide à me sortir. Sans lui, je ne peux pas. Je passe des dégâts, tout ça, rien à la maman. Nous rappeler à mon sortir. Nous rappeler à mon sortir. Le rappel, le rappel, le rappel à mon sortir. Moi je comprends Garvin, Nao, tous les gens que je connais, ma chérie, Pierre, tout le monde. Je peux pas citer tout le monde, ça ferait trop de gens, mais tout le monde. Franchement, tout le monde, il y a Baptiste, il y a Barbara. Je peux pas tout citer, désolé pour les autres. Il y a trop de gens. Toujours Monet, franchement je dédicace à Toujours Monet, à Teva, à tout le monde quoi. Pierre Moget, tout ça. LSD, bref.